Chapitre 30 Le Rouge. Ils descendirent à la station suivante pour prendre une gondole publique. Le Zéphyr qui la manœuvrait avait suffisamment d'expérience pour canaliser le vent et leur faire traverser la mer de nuages sans turbulence, mais Ophélie fut quand même soulagée de retrouver la terre ferme. Le quartier du professeur Wolfe était dénué de pavés. Le vent et le sable se mélangeaient tellement l'un à l'autre qu'ils formaient des fumerolles brûlantes. Le soleil ne se résumait plus qu'à une lune blafarde au milieu du ciel. L'atmosphère était si suffocante qu'il n'y avait ni passants ni dodo dans les rues. Ophélie traversa la cour de l'immeuble, une manche plaquée sur le nez pour ne pas inhaler la poussière. Ses lunettes semblaient recouvertes de suie volcanique. Elle distinguait à peine la façade envahie de végétation devant elle. Le heurtoir du rez-de-chaussée ne se déclencha pas à son approche, comme cela s'était produit lors de sa première visite. Venant d'une porte aussi paranoïaque, c'était inattendu. Faisant signe à Octavio de se mettre en évidence devant le Judas, elle donna trois petits coups prudents. « Professeur Wolfe ?» Elle n'était pas fière de se présenter à nouveau devant lui. Cet animiste, si mal embouché fut-il, l'avait aidé à se procurer des gants de liseuse, et elle l'avait remercié en fouillant dans sa poubelle. Ce ne fut donc pas une surprise de voir la porte rester close. « Professeur Wolfe » insista-t-elle. « Nous avons besoin de vous parler, c'est très important. » Ophélie colla son oreille contre le battant. Elle n'entendit aucun bruit à l'intérieur de l'appartement. « Sa logeuse m'a assuré qu'il ne quittait jamais son domicile, » dit-elle. « Tente ta chance, il t'accordera peut-être plus de crédit. » Octavio n'en fit rien. Il s'éloigna de quelques pas, ses cheveux empourprés de poussière, les basques de sa redingote soulevées par le vent. Il observait la façade de l'immeuble avec une extrême concentration, le rougeoiement de ses yeux se faisant de plus en plus intense. « Inutile, » finit-il par déclarer. « Il n'est pas chez lui. »« Tu vois à travers les murs ?»« Si j'adapte mon regard, je peux détecter les rayonnements propres aux organismes à sang chaud. Il n'y a rien de tel ici. »« Nous voici bredouilles, » soupira-t-elle. Octavio fronça les sourcils tandis qu'il tournait lentement sur lui-même en scrutant cette fois le nuage de poussière. « Et encerclé !» murmura-t-il. Il fallut un moment à Ophélie pour les apercevoir à son tour. Des silhouettes blanches arrivaient des quatre coins de la cour. Elles tenaient chacune un fusil. « Des objets interdits !» commenta Octavio avec dédain. « Les sans-pouvoirs sont tombés bien bas !» Un rugissement de rire accueillit cette déclaration. Il se répercuta sur les parois des vieux immeubles, comme s'il émanait de partout à la fois. Ophélie se contracta de la tête aux pieds. À sa connaissance, un seul homme était doté de cordes vocales aussi puissantes. La silhouette du sans-peur se détacha du blizzard rouge, tandis qu'il s'avançait tranquillement vers eux. Il n'était pas armé, il n'en avait pas besoin. Le gigantesque tigre à dents de sabre lui servait d'escorte. « À quoi reconnaît-on un fils de Lord ?» s'exclama le sans-peur à la cantonade. « C'est really simple. Ça se balade partout, comme en terrain conquis. Ça fait teinter haut et fort ses jolies bottes, et ça trouve encore le moyen de se la jouer. « Condescendant !» Sa voix était d'une telle ampleur qu'elle domptait la tempête, mais lorsqu'il se planta devant Octavio, ce dernier ne se montra pas le moins du monde impressionné. Il lui fit face, sans ciller, le dos droit et le menton dressé, à croire qu'il n'était pas tenu en joue par plusieurs fusils. « C'est donc vous, l'homme, qui se fait appeler le sans-peur et presque sans reproche. Je suis déçu. » J'ai souvent entendu vos fanfaronnades à la radio. Je vous imaginais moins quelconque. » Un sourire carnassier dévoila brièvement les dents du sans-peur. Son apparence était peut-être celle d'un homme malingre et dégarni. Il y avait un fauve tapis en lui, et il n'était pas moins redoutable que la bête qui feulait à son côté. Le regard d'Ophélie ricocha dans tous les sens. La cour d'immeuble était une impasse. Il se retrouvait acculé. Les vagues de poussière laissaient entreapercevoir ça et là les silhouettes des hommes armés. Ophélie les compta. Quatre, 6, 8, au moins 10, plus un tigre géant. Elle leva les lunettes vers les façades qui se dressaient autour d'eux. Les rares volets qu'elle parvenait à distinguer étaient poussés. Il y avait probablement des observateurs qui s'étaient collés aux fentes, mais aucun d'eux, pas même la logeuse, ne paraissait disposé à intervenir. Ophélie commençait à regretter d'avoir entraîné Octavio ici. Thorne avait raison. Elle avait vraiment une prédisposition surnaturelle aux catastrophes. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. Le sans-peur l'effleura à peine des yeux, comme si elle n'avait aucune consistance solide. Seul Octavio présentait de l'intérêt pour lui. « Ça, c'est ma question. Vous sembliez avoir really envie de me causer. À moins, évidemment, ajouta-t-il avec une lippe goguenarde, que vous ne craigniez que je vous contamine de mes idées malsaines, agressives et dégradantes. » Les yeux d'Octavio irradièrent davantage. « Ce sont mes mots exacts. Vous nous avez espionnés. Je vais te dire une chose, boy. Quand on est un vieux pirate des ondes comme moi, on attrape des petites manies. J'ai tendance à répandre mes micros ici et là. Vous me faites really marrer, vous, les avant-coureurs. Vous prétendez tout connaître, mais vous ne savez rien. Les censeurs vous siphonnent la cervelle. » Le sans-peur se tenait si proche d'Octavio qu'il lui cracha ce dernier mot en plein visage. Il se délectait de la répugnance qu'il lui inspirait. « Avez-vous menacé les vies du professeur Wolfe, de Miss Silence et de l'apprenti Mediana ?» Ophélie considéra Octavio avec un mélange d'admiration et d'exaspération. Il avait posé sa question sans détour, d'un ton plein de suffisance, comme si c'était lui qui dictait les règles. Il ne se recula pas quand le sans-peur taquina du doigt la chaîne d'or qui attestait sa filiation à Lady Septima. « Tu te vois déjà, Lord, mais tu n'es même pas un homme. Tu n'en seras jamais un tant que tu n'auras pas mis ton poing dans la gueule de quelqu'un. Elle ne t'a jamais appris ça, ta petite maman. C'est trop malsain, agressif et dégradant pour vous. Avoue pourtant que ça te démange, really, en ce moment. » La voix du sans-peur propageait des vibrations d'une telle force qu'Ophélie les sentait jusque dans son ventre. Il ne devait vraiment craindre personne pour insulter ainsi un fils de Pollux au beau milieu d'une place publique. Octavio sortit un mouchoir de sa redingote et tamponna les postillons sur sa peau. « Je ne m'abaisserai pas à répondre à ces provocations. Je vous commande, à vous et à ces messieurs, de vous rendre à la justice et de vous comporter à l'avenir comme d'honnêtes citoyens. » Le sans-peur partit dans un rire qui évoqua une véritable explosion de poudrière. L'instant d'après, il avait retrouvé tout son sérieux. Il fit signe à ses hommes de baisser leurs armes, puis, d'un geste bref, il arracha la chaîne du visage d'Octavio. Ophélie eut un haut le cœur en voyant le sang jaillir. « Tu ne manques really pas de kilos !» grogna le sans-peur avec une moue écœurée. « As-tu la moindre idée de l'outrage que tu fais subir à ces gens en te pavanant ici dans ton bel uniforme? Ton avenir à toi est tout tracé, eux n'en ont aucun. Et tu sais pourquoi? Parce que ce sont les gosses pourris gâtés dans votre genre qui finissent par gouverner la cité. » Et ce sont eux aussi qui préfèrent donner un emploi à des machines plutôt qu'à d'honnêtes citoyens. Octavio refusa la main qu'Ophélie s'était précipitée de lui tendre. Il se redressa avec orgueil, serrant les mâchoires pour ne pas crier de douleur. Il manquait un morceau de chair à son arcade sourcilière et sa narine était déchirée en deux. Son sang se mêlait à la poussière du sol, mais ce rouge-là n'était rien comparé à celui qui luisait dans ses yeux. « Je peux la voir !» le nargua le sans-peur en faisant tournoyer la chaîne dorée entre ses doigts. « Cette violence que tu méprises tant, elle gronde en toi. Tu auras beau la recouvrir de tes bonnes manières, elle sera toujours là. Tu es comme moi, au fond, un fauve. » Octavio essuya son visage ensanglanté de la même façon qu'il l'avait nettoyé des postillons un peu plus tôt, dans une attitude empreinte de supériorité. « Ne me comparez pas, vous !»« Ça suffit !» lui souffla Ophélie. « Nous partons !» Le sans-peur la jaugea sans mot dire. Le hurlement du vent, le crépitement de la poussière et les grondements du tigre prirent la relève durant ce bref silence. « C'est entendu !» finit-il par décider. « Je vous laisse filer, à une condition !» Sa main se décocha avec une vivacité de flèche. Il empoigna Ophélie par les cheveux et la fit tomber à genoux. Elle avait la sensation que la peau de son crâne allait se déchirer. « Retire ton uniforme, petit Daniel !» Elle ne voyait plus clair. Ses lunettes pendaient en travers de son visage. Elle voulut se remettre debout, mais le sans-peur la força à rester agenouillée. Il lui tirait les cheveux avec une poigne étonnante pour quelqu'un d'aussi peu corpulent. « Retire ton uniforme !» répéta-t-il. « La redingote, la chemise, le pantalon, les bottes, everything !»« Si t'es sage, je te laisserai tes gants de liseuse. » Ophélie n'était pas particulièrement pudique. Elle s'habillait et se déshabillait chaque jour dans les vestiaires de la bonne famille. Pourtant, la pensée d'être obligée de le faire ici, dans cette position, et devant tous ces hommes, lui souleva l'estomac. Même Octavio ne trouvait plus rien à dire. « Retire ton uniforme !» rugit le sans-peur en la secouant. « Ou je demande à mes amis de s'en charger !» La vision d'Ophélie se troubla, et ce n'était plus seulement à cause de la myopie. Pourquoi ses griffes ne repoussaient-elles pas cette main qui la brutalisait? Pourquoi ne se déclenchait-elle jamais quand elle en avait le plus besoin? La réponse la frappa en plein ventre, parce qu'elle était effrayée. Les griffes étaient reliées à son système nerveux, la colère les galvanisait, la peur les paralysait. Le sans-peur avait vu juste. Elle n'était qu'une agnelle. Toutes les épreuves qu'elle avait traversées au pôle, loin de l'endurcir, l'avaient rendue plus fragile. Ophélie remit ses lunettes en place avec la dignité qui lui restait, puis elle défit les boutons de sa redingote. Ce simple geste du quotidien exigeait toujours d'elle l'incurable maladroite, une grande persévérance. Trembler n'arrangeait rien. Ophélie dut se débattre avec chaque bouton. Elle espérait que le sans-peur ne s'en apercevrait pas. Elle n'avait aucune envie de lui accorder cette satisfaction-là. Le vent griffa ses bras nus quand elle laissa tomber sa chemise et qu'il ne lui resta plus sur le dos qu'un tricot de peau. « Ton pantalon !» Ophélie lutta contre la nausée en sentant l'ordre du sans-peur vibrer le long de sa colonne vertébrale. Cette voix lui faisait plus mal encore que la poigne qui lui tirait les cheveux. Alors qu'elle empêtrait ses doigts dans la boucle de sa ceinture, elle fut déséquilibrée par le soupir exaspéré que poussa le sans-peur. « J'espère, really, que le spectacle vaut toute cette attente !» Le sans-peur ne termina pas sa phrase. Octavio venait de le frapper, en pleine mâchoire. Il y eut un craquement d'os si retentissant qu'il sembla jaillir à la fois des doigts et des dents. La force du coup les projeta tous les deux par terre. Sans perdre un instant, Octavio s'accroupit sur le sans-peur pour l'immobiliser au sol, puis il abattit ses poings encore et encore. Son visage avait entièrement disparu sous un déluge de cheveux noirs. Son corps n'était plus que de la rage à l'état brut, aussi déchaîné que les éléments autour de lui. Plus il cognait fort, plus le sans-peur riait aux éclats. « Excellent, boy ! Vas-y, laisse sortir le fauve !» Ophélie bondit sur ses bottes, mais elle n'eut pas le temps d'intervenir. Le tigre à dents de sabre qui avait observé jusque-là une immobilité de statue se détendit comme un ressort. Son énorme patte envoya Octavio rouler dans le brouillard. Ophélie courut jusqu'à lui. Il se tenait recroquevillé sur le sol, empourpré de poussière et de sang. L'incendie de ses yeux s'était éteint et il ne portait aucune trace de blessure grave, mais le choc l'avait étourdi. La voix du sans-peur exultait par-dessus le tumulte du vent. « Il l'a really fait. Il a franchi la ligne rouge !» Ophélie se dépêcha d'ôter les ailes de ses pieds et de ceux d'Octavio pour les glisser dans sa poche. À présent que les hostilités étaient ouvertes, ils devaient fuir. Leurs ennemis se tenaient à l'affût, quelque part dans la tempête. Ils les repéreraient au moindre tintement. Au moment où elle passa le bras d'Octavio autour de ses épaules, un coup de feu résonna. La détonation se répercuta en écho à travers la cour enfumée, rebondissant sur les façades des immeubles. Ophélie n'avait pas l'impression d'avoir été touchée, mais ses veines pulsaient à une telle cadence qu'elle n'était plus sûre de rien. « Qui a tiré ?» beugla le sans-peur. « J'avais dit, pas d'initiative !» Il ne riait plus du tout. Les voix de ses hommes protestèrent, chacun affirmant que ce n'était pas lui. Ophélie ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle avait la ferme intention de mettre cette diversion à profit. Elle entraîna Octavio à l'aveuglette. Il peinait à marcher droit, encore sonné. Elle-même ne voyait rien à moins de 3 pas. Elle était déboussolée. Elle avalait du sable à chaque inspiration. Un cri la figea sur place, un hurlement d'horreur tel que jamais de toute sa vie elle n'en avait entendu. La voix du sans-peur. Elle déflagra dans les airs comme une explosion, éclipsant le vent et la poussière. Ophélie et Octavio se bouchèrent les oreilles. La cour d'immeubles tout entière ne fut plus qu'un long, un interminable cri. Puis la voix se tut. Octavio montra à Ophélie le brouillard où se dressait une silhouette montagneuse. Le tigre à dents de sabre se tenait juste devant eux. Il était prostré sur le sol, les oreilles aplaties en arrière, le pelage hérissé, les prunelles arrondies comme 2 phares. Terrorisé. Ophélie trébucha contre un corps étendu sur le dos. Il lui fallut quelques battements de cœur avant de reconnaître le sans-peur. La peau de son visage s'était déformée comme un masque de tragédie antique. Sa bouche hurlait en silence. Ses yeux exorbités fixaient le vide. « Mort !» souffla Octavio. « Assassiné !» rectifia une voix derrière eux. Le professeur Wolfe surgit de la tempête aussi surnaturelle qu'un spectre. Il était entièrement vêtu de noir, sa minerve lui conférait une raideur cadavérique et sa barbiche dégageait une forte odeur de roussi. Il portait en bandoulière un vieux tromblon dont le canon semblait avoir explosé. C'était vraisemblablement lui, le coup de feu. Il tendit à Ophélie sa redingote qu'il avait ramassée en chemin. « Suivez-moi, vous deux !» ordonna-t-il entre ses dents. « Celui qui a fait ça est peut-être encore dans les parages, croyez-moi. Vous n'avez pas envie de le rencontrer. »